menace. Tu refais des lacets sous la menace. Nada que black en attendant rien du tout. Ça c'est de la frappe puis go, je l'avais dit. Qui guitare pour tomber le haut. Ça c'est de la frappe puis go, je l'avais dit. Il y a la longue qui aura